Si le diable avait eu quelque compassion envers moi, il ne m'aurait pas accablé d'un assistant tel que Sinistros. Si le diable avait eu quelque empathie que ce soit envers moi, il m'aurait peut-être mis Sinistros dans les pattes en tant qu'assistant, mais il se serait arrangé pour qu'il ne soit pas un gobelin puant. Et si le diable avait eu quelque regret, si minime soit-il, de ma condition, il nous aurait placé Sinistros et moi dans un bocal de formol. Mais comme rien de tout ceci n'est le cas, je ferai avec et vous direz ceci. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant, simplement parce que la médecine est une vocation, alors que l'antimédecine est une révocation. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated, 'cause Pendragon fucking said so. Go! day. We both know that day would never come again. And if one day you want as good as gold, it'll be too late, cause I'd be too old. I don't think a human being could live that long. Yeah, I never gave a damn. I was never even a fan. The only thing that makes me smile is your face. Never been one to admit that something might be wrong. Yeah, I never gave a damn. I was never even a fan. The only thing that makes me smile is your face. If I ever had the chance, I'd kick at your chest just to watch you dance. A little bit your vanity prevents change. Sodium in a thong. This is great to me. Of life, here it is, theology. Master loser, there's no confusion. Just a hypocrite who never tried to win. You're in total control, you're still a liar. I can't drink from the cup. I question your authority. You gotta mess up. You're in total control, you're being desired. I can't drink from the cup. Capitaine, j'ai trouvé une carte au trésor. Montre-moi donc ça, mon petit moussaillon. Qu'est-ce que c'est ça, le logo de la barrique à la place du X? On manque justement de bière. Vigie! Qu'est-ce qu'il y a? Cap vers les Trois-Rivières! Eh, vous avez l'air de savoir où ça s'en va, capitaine! Ben oui, mon moussaillon. La légende dit que la barrique, c'est le lieu de prédilection pour les amateurs de bières de microbrasserie québécoise, d'importation et de savoureux produits du terroir. Pis si tu veux pas que je t'enferme dans une barrique, commence à ramer tout de suite. La barrique, 41-70, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Le groupe des médias étudiants de l'UQTR vous souhaite un bon début de session. Surveillez nos nouvelles parutions du journal Zone Campus ainsi que la programmation d'automne de CIFU 89.1. Impliquez-vous. Le vendredi vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classique. Rock Classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. C'est fou. 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 3 septembre de l'an de disgrâce 2013, première édition du mois de septembre. Qu'annonce l'automne et la saison morte. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je suis toujours une fois de plus cette semaine accablé, tristement et painful. Ben, arrête de te plaindre, t'aimes ça pareil. Par toi. Sinistrose. Le gobelin pseudo-savant. Pseudo-savant, oui. J'aime bien le pseudo. Pseudo signifie que c'est pas encore déterminé si tu l'es. Hein, c'est oui ou c'est non, mais on ne sait pas. C'est gris. C'est gris. Non, il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de zone grise. Non. Comment vas-tu? Ben, c'est pas pire. Et aussi oui, pourquoi? Et parce que. Ben voilà. Ceci conclut cette édition de réanimation. Bon, ben, sur ça, allez vous faire foutre. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Ben, je sais pas, tu vas me le dire. Ah, ben oui, OK. On vient d'entendre la formation Handtrax et la pièce C11H17N2O2SNA. Et est-ce que tu es rendu savant? Oui, absolument. Tu penses que tu l'as écrit sur ta feuille? En fait, ta feuille que je ne vois même pas. Tu sais quelle est cette composition chimique? Ben, c'est un. Quelque chose. Tu sais pas? Non. Tu sais pas ça. C'est moi qui fais le ménage ici. Je fais pas les ta job, dans le fond. Là. Ben, je vais te le dire, moi, espèce d'inculte. Ben, vas-y donc. C'est quelque chose. Ah! C'est du sodium thiopental. Puis ça fait quoi dans la vie? Ben là, pousse pas ta chance, là. Tu sais pas de nom. Chose certaine, ça doit être quelque chose qui devrait peut-être pas être ingéré, j'imagine. Mm-hmm. Le sodium, peut-être, à quelque part, là, mais le thiopental, ça, je suis moins convaincu. Donc, la pièce était à ça, ce sodium thiopental, c'est tiré de l'album Sound of White Noise, qui est paru en 93, qui mettait, bien entendu, au vocal le très bon John Bush, disons-le allègrement, c'est un excellent chanteur, et à cette époque-là, c'était la version quasi originale d'Anthrax, mis à part John Bush, parce qu'il y avait Scott Ian, Frank Bello, Charlie Benante et Dan Spitz. Oh. Dan Spitz est encore là. Est-ce que tu as vu des photos assez récentes de Dan Spitz? Ah oui, il a changé énormément. Énormément. Ah oui, mais là, ouais. Il est rendu qu'il fait des horloges, des montres. Des montres. Effectivement, ben oui. Il a pris un coup de vieux. Écoute, j'ai été très surpris lorsque j'avais vu la photo de Charlie Benante, mais leur chanteur original qui est là maintenant. Joe Belladonna. Joe Belladonna. De le revoir plusieurs années après, quand ils avaient annoncé son retour, j'avais dit, mais il vient de sortir d'une catacombe, d'un tombeau égyptien, je sais pas. Puis, je me suis dit, ben finalement, il est pas tout seul à avoir mal vieilli. Non, effectivement. Juste auparavant, nous avions Pile Driver et la pièce Human Sacrifice qu'on le retrouve sur la première parution de cette formation, soit Metal Inquisition. C'est paru en 1985 sur Cobra. Et Pile Driver était du festival qui avait lieu au Catacombes. Avec Satan. Entre autres avec Satan. Et ils ont remplacé, semblait-il, à pied levé, Blood Ceremony, qui ne pouvait pas... Pas le même genre. Non, pas tout à fait. Non, effectivement. Deux bons bands, mais d'un genre assez différent. Parce qu'il semblerait que la chanteuse de Blood Ceremony avait une laryngite ou quelque chose. Ouais, ça chante mal dans ce temps-là. Hein? Oui, quand c'est ton instrument principal surtout. Là. Mm-hmm. Donc, c'était Pile Driver et semble-t-il que c'était un très bon spectacle parce que nous, on a vu aussi Pile Driver il y a plusieurs années et c'était excellent. Oh, c'était très, très c'est bien. Très entertainer et ce qui est le fun avec Gord, c'est qu'il ne se prend pas au sérieux. Pas du tout, puis il est bien jasant en coulisses après. Très, très généreux de sa personne, effectivement. Juste avant, nous avions Ozzy Osbourne, la pièce Thunder Underground que l'on retrouve sur Osmosis, paru en 95 sur Epic. D'ailleurs, à peu près tous les albums d'Ozzy sont sur Epic. Et moi, personnellement, c'est un de mes préférés. Il y a une discographie quand même assez étendue sur la carrière solo d'Ozzy. Puis je suis pas prêt à dire que j'aime tout ce qu'il fait, loin de là. Mais Osmosis, c'est un bon album, plus pesant, avec des riffs intéressants, comme on a pu l'entendre tout à l'heure. À l'époque, il était peut-être encore un petit peu plus sain d'esprit qu'il est aujourd'hui. Judas Priest, c'est la pièce Grinder, tirée de British Steel de 1980. Nous avons ouvert avec Merciful Fate et la pièce Witch's Dance, qu'on retrouve sur l'album Time de 94. Et sais-tu, il y avait longtemps que j'avais pas écouté l'album Time, mais je pense que je l'avais sous-estimé. Ben, il y a des bonnes tunes. C'est un album qui se tient pas mal, là, généralement. Pas qu'il est parfait, loin de là, mais il y a de très bonnes pièces dessus. Ce soir, j'aurai une chronique cinéma et une bonne et belle chronique cinéma pour vous parce que j'ai vu de bonnes choses. Et Sinistros a un spécial, mais tout de suite, il y a une présentation de nouveautés à nous proposer. Belle nouvelle parution de la formation mais musicale. Ça nous intéresse pas. C'est pour ça que je le passe pas. Bon, OK, parfait. Vous pensez à d'autres choses, donc je vais passer à mon deuxième bloc. Oui, je t'écoute. Formation américaine qui a pour nom Revocation vient de sortir un nouvel album self-titled, intitulé Revocation, qui marque un changement de cap dans la tangente musicale. Autant le mini-album qui est apparu sur Sion l'année dernière était tellement excellent qu'il nous laissait démontrer ce qui pouvait s'en venir, autant... C'est pas que c'est pas bon, mais il y a une tendance un peu micro-ondes. D'accord. Ce qui veut dire que ça peut faire réchauffer des trucs. Ben, ça peut faire très réchauffer des trucs, effectivement, des vieux trucs aussi. Okay. Disons que la recette a pas été... c'est une recette qui est faite pour aller chercher le plus grand possible de personnes. C'est pas mauvais, mais c'est pas l'apothéose non plus. Ça a été formaté, selon toi? Ben, j'ai comme l'impression qu'il doit y avoir des compromis qui sont probablement... T'sais, par moment, le chanteur, il a changé son vocal pour avoir un vocal un peu plus core. OK. Il y a le côté technique qui a changé au profit, disais, du côté d'être chords, c'est ambivalent un peu. Ben, ça y va vers la tangente, là, un peu mainstream du métal, là, présentement. Disons que quand t'es habitué de manger du Gouda puis tu tombes avec du Velvita, ben, c'est à peu près ça que ça donne. Okay. Pour un amateur de fromage, là, ben, c'est. C'est quoi du fromage? Ben, c'est un moment important dans la vie d'un jeune homme. Disons que le Velvita goûte pas tout à fait la même affaire que le Gouda fumé, mettons. Non, c'est indéniable. C'est pas tout à fait la même affaire. Tu lui donnes combien comme cote? Ben, moi, je peux pas aller plus haut qu'un 7 sur 10. C'est quand même pas désastreux. Il y a quand même de très bons éléments, de très bons riffs. Le vieux Revocation est encore là, mais malheureusement, le petit côté trend qu'ils ont voulu apporter... vient comme ternir... Écoute, je ne l'ai pas écouté, moi, honnêtement. Je me fie à ton opinion là-dessus. Ce que je trouve dommage, souvent, maintenant, on en parlait souvent, toi et moi, et spécialement en ondes, malheureusement, le métal est devenu aussi une forme de mode, à quelque part, là, au niveau de ce qui est vendeur, si on veut, parce qu'on sait que les labels, je dirais, major, vont rechercher ce qui va être une ligne vendeuse. Là. Vendeuse, parce qu'on a juste à regarder aussi ce qui se passe dans certaines affaires. T'sais, on va chialer contre des trucs qui existent dans le mainstream, comme toutes les émissions de un peu de télé-réalité, de concours et de ci, puis de ça. Puis là, on voit apparaître ça dans le métal. Moi, je trouve que c'est quasiment un non-sens. Là. Disons que c'est fort discutable pour le moins, parce que selon moi, cette musique-là fait vraiment bande à part. C'est une espèce de refus catégorique de masse, en fait d'amateur, envers la conformité. Et puis là, on commence à amener des éléments tranquillement pas vite qui sont de la masse en tant que... Oui, c'est ça, c'est ça. Et moi, je comprends pas le principe de vouloir... le métal, ça a toujours été une musique pour... qui était dérangeante. Ouais, c'est ensemble. De la contestation. Mais là, c'est quasiment, moi, grand-maman, elle aime Megadeth, mais c'est cool, tu sais. Il y a quelque chose, tu sais, quelque chose qui est un peu ridicule. Ouais, ben écoute, là, surtout ça, pour des gens qui ont commencé à écouter du métal il y a bien des décennies, là, voire, je dis des années, mais voire des décennies, de voir cette espèce de je dirais, est-ce que le mot évolution est maintenant permissif dans cette description-là, je le sais pas, mais pour le moins de voir cette transformation-là du métal vers quelque chose qui peut devenir à la limite jetable, je trouve que c'est un petit peu aberrant. Là. Une chance, il y a encore de très bons bands qui restent très intègres. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais d'ailleurs, allez, on va se faire une idée de ça, cet album-là. Oui, c'est correct. J'ai choisi les 5 premières pièces de l'album, dont The Hive, Scattering the Flock, Arch Friend, Numbing Agents et Fract. C'est sorti sur Relapse il y a quelques jours. Là, c'est encore tout chaud. Allez, écoutons ça. Revocation, go!

7h07 et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show qui met en scène et en lieu Sinistros et moi-même, ce cher et charmant Dr. Pendragon. Charmant. J'adore le mot charmant. Moi, j'aimais plus le mot cher. Ça tire pas ça. Expensive and charming. Oui, ben, je travaille encore. Hein. Et j'ai beaucoup de travail à faire pour en arriver là. D'accord. Qu'est-ce qu'on vient donc d'écouter? Mais la pub. Oui, avant. Ah, OK, avant. Ben, le pas très enlevant, Revocation, The Revocation. Alors, peut-être que il y a des gens parmi vous qui vont trouver leur compte dans ce type de musique-là, mais pour ma part, c'est une déception assez totale face à ce qu'ils ont fait avant. Je trouve que ça sonne très réchauffé, je trouve qu'il n'y a plus rien dans le vent là-dedans. Que criff, pas pire ici et là, mais ça, c'est bof. Moi, j'ai trouvé que effectivement, côté vocal, on commence à sentir quelque chose, une nouvelle petite tangente qui se présageait, assez certainement. Mais plus encore, ça sonne très européen, comme le trash européen. Oui, oui, c'est ça. C'est je peux pas dire que j'ai trouvé ça mauvais. Non, c'est pas mauvais, mais c'est pas mais je serais pas porté à écouter non, ça c'est souvent. C'est en plein ça. Ouais. On dirait que, comme on expliquait, peut-être que le métal est en train de s'essouffler, finalement. Moi, je pense que oui. Je crois que le métal est en essoufflement présentement et qu'il y aurait... Ça va peut-être prendre une bonne purge là-dedans. Oui, oui, il y aurait intérêt à prendre, à avoir justement au moins minimum une petite cure là, pour être capable de retrouver un second souffle. Mais écoute, c'est comme on disait hors onde, je travaillais. J'ai discuté avec le Rockmaster Alain qui est allé voir le week-end dernier, entre autres Satan et Pile Driver, les autres bandes de cette soirée-là au Catacombes, Montréal. Semble-t-il, c'était un très bon spectacle d'ailleurs. Il me disait que majoritairement, c'était des jeunes qui étaient là et qui connaissaient tellement bien les paroles, entre autres de Pile Driver, que les gens chantaient plus fort que Gort en tant que tel, le chanteur. Et Pile Driver, on s'entend-tu que ce que j'ai passé tout à l'heure, c'est 1985. Là. Oui, effectivement. Que Satan, qui est un band qui est jamais venu à Montréal, qui en est à son troisième album en 30 ans, ou minimalement 30 ans, que les gens connaissaient les paroles. Donc, le pire, c'est qu'ils ont joué, ils ont commencé le spectacle par deux vieilles pièces des années 80. Là. Probablement sur Court in the Act, moi, j'imagine. Bon. J'imagine. Est-ce qu'on est en train de dire que l'intérêt du métal étant présentement... peut-être saturé par, je dirais, soit la surproduction de produits de bandes, qui généralement, ben écoute, c'est un effet normal là, qu'il y en ait plusieurs qui sonnent pareil là, ou qu'il y a une espèce de trendy là-dedans. Parce qu'il arrive, c'est qu'il y a une quantité au profit de la qualité aussi. C'est possible aussi, oui. Mais est-ce que les jeunes, la génération actuelle de jeunes qui sont amateurs de ce style de musique-là, est-ce qu'ils se retournent vers le passé pour y trouver d'autres choses qui sont plus satisfaisantes? Je sais pas. Hein? Peut-être. C'est possible. Peut-être. Tant mieux, c'était oui, c'est tant mieux, tant mieux. Bon, on a entendu Revocation avec les pièces Fract, Dumbing Agents, Arc, Fend, Scattering the Flock et The Hive. Moi, c'est gros maximum 7 sur 10. Puis quand que je descends en bas du 8 d'habitude, c'est parce que ça commence à être problématique dans mon cas. Là. Okay. 7 sur 10, c'est un album qui jouera pas souvent chez moi. Peut-être à l'occasion, une pièce ici et là à réanimation, mais ça va être sans plus. Ça, c'est selon moi une déception de l'année. Je pense que c'est un album carrément qui va passer à côté de la track. Mais c'est peut-être un album qui va passer inaperçu ou une espèce de flavor of the mouth. Peut-être que la masse qui s'en vient un peu plus mainstream dans le métal va très bien apprécier cet album-là. Possiblement. Mais moi, je pense que les purs et durs qui sont des amateurs de métal depuis de nombreuses années, non, moi, je trouve... Ça va passer un peu inaperçu. Ben, c'est réchauffé. Regarde, il n'y a rien inventé là-dedans. Là, pis c'est ce que Revocation avait réussi à faire, le côté trash technique assez intelligent des autres albums, là, ils ont perdu leur essence carrément. Là. On dirait qu'ils sont allés chercher de l'essence comme peut-être diluée. C'est peut-être même plus de l'essence. C'est peut-être même plus de l'essence, finalement. C'est peut-être de l'essence de maïs qu'il y a là-dedans. Là. Oui, c'est peut-être du nafta. Peut-être. Ben, ça n'a pas... Regarde, c'est correct, là, mais je pense qu'on peut passer à autre chose. Ben, je pense que oui. Je pense que toujours est-il que Revocation vient de passer en mode Warbringer, Battlecross et compagnie. Là. Ça va être une petite saveur de même, puis après ça va être fini. C'est une comparaison qui peut être envisageable, effectivement. Hey, les amis, ça vous tente-tu d'aller au Metal Fest cette année? C'est vrai, t'es pas mon ami, tu peux pas répondre. Ah ouais, non, mais c'est ce que je pensais pas que tu me parlais. Ah non, c'est une niaiserie, je disais. Là, voulant, oui. Mais pas grand-mère. Jésus, s'il te plaît. Grand-mère, taillard, là. Eh bien, vous pourrez, si le cœur vous en dit, d'assister à la 13e édition du Metal Fest cette année. 3e Metal Fest, que dis-je, qui aura lieu et se tiendra les 11 et 12 octobre prochains à la bâtisse industrielle qui est située au 1760 avenue Gilles Villeneuve ici à Trois-Rivières. Et vous pourrez voir sur deux soirs les formations suivantes, soit le vendredi. Le nom n'est pas encore sorti de celui qui aura l'honneur d'ouvrir ce festival parce que c'est le... Je pense qu'il reste une ronde je pense en fait la semaine prochaine, puis après ça, je pense que c'est les finales qui s'en viennent. D'après moi, on devrait avoir le nom milieu septembre, fin septembre, début octobre. Okay. Bien, donc, ce sera le ressortissant, le gagnant du concours Metal Academy qui aura le plaisir d'ouvrir ce Metal Fest. Et vous pourrez voir, après ce groupe-là dont on ignore toujours le nom, formation Unhuman, Hollow, Beyond Creation, Blackguard, Jungle Rot, Voivod, Suffocation, ça c'est le vendredi 11, étant qu'au samedi 12 octobre, et My Words, Insurrection, Battlecross, justement, The Acacia Strain, Shadows Fall, Obituary et Hatebreed. Et le prix des billets est de 35$ par soir ou 60$ pour la passe, ben, si vous voulez, le forfait de deux soirs. Vous pouvez acheter vos billets directement en ligne sur le site de Trois-Rivières Métal ou vous les procurer aux endroits suivants. Un instant, ce que je vois, c'est clair pour ça. Je vais regarder Long and McQuaid ici au centre-ville, la Puce Rock de Trois-Rivières, Amnesia Trois-Rivières, Metal Punk de Trois-Rivières, Profusion de Montréal, Vision Rock de Québec, Disque et Ruban de Drummondville et bien sûr sur le www.3rmf.com. Bon, bien fait ça, hein? Oh oui, comme un seul homme. En fait, j'en suis pas un. Je suis un amalgame de plusieurs hommes, moi. C'est parfait, ça. D'ailleurs, regarde ce doigt-là comme il ne fait pas avec les autres. Non, oui. Ah, c'est celui-là, je vais te montrer. J'aime pas sa couleur. Hey, je disais tout à l'heure que j'ai eu le plaisir de voir 3 bons films le week-end dernier. Normalement... C'était comme le temps. Ben oui, effectivement. Mais oui, c'est vrai, t'as raison, parce que normalement, moi, je suis un consommateur de cinéma, mais depuis... Depuis quelques semaines, me semble, c'est... Moyen, voire plate par moment. Je vais commencer par peut-être le moins bon des 3, OK? Si tu me permets. Puis si tu me permets pas, je vais faire quand même. Tu fais une quand ta tête pareil. Et voilà. C'est un film qui date quand même, qui est paru en 2011, qui a été fait en 2011, s'appelle The Innkeepers. J'avais jamais eu l'occasion de mettre encore la main dessus, mais finalement, je l'ai trouvé. C'est un film d'horreur, entre guillemets, un film de hantise. Grosso modo, ça raconte l'histoire du The Yankee Peddler Hotel, qui est un hôtel très réputé aux États-Unis, qui après 100 ans d'existence, ben là, les business vont moins bien, puis ainsi de suite. Donc, le propriétaire, qui est probablement pas celui d'origine, j'imagine. J'espère. décide de mettre la clé dans la porte. Et il reste une fin de semaine à cet hôtel-là, en opération. Très réputé pour être hanté. Il semble-t-il que ce serait le cas, là, qu'il y avait vraiment une espèce de légende qui venait avec ça. Très réputé pour être hanté, les deux employés qui sont mandatés pour tenir à tour de rôle le jour et la nuit, l'hôtel, et qui couchent sur place, ont décidé d'élucider ces phénomènes-là s'ils ont lieu, parce que c'est là ou jamais, sinon l'hôtel va fermer, va être démoli pour en faire place à un stationnement, je pense. C'est un film qui... C'est pas un film... avec une, je dirais, il y a pas de roulement là-dedans. Là. C'est pas enlevant, c'est pas effet de surprise par-dessus effet de surprise. Non, c'est un film qui a un mouvement assez lent, mais continu, mais avec des punchs assez épouvantables par moment. Je pense que c'est un des bons films d'horreur, en autant que tu t'attends pas à voir des têtes coupées à tout bout de champ. Là. Très plus campé sur la psychologie, parce qu'il y a juste, ce qui est drôle, c'est que seulement deux occupants dans l'hôtel. En fait, il y en a un troisième qui joint, qui est pas là pour les bonnes raisons. Et tout se passe dans le sous-sol. Mais il y a quand même de bonnes séquences. C'est un film que j'ai trouvé quand même bien. Je lui donne un 7.5 sur 10, quand même pas si mal, là. Mais c'est un film qu'il faut regarder avec un œil qui est très, je dirais, un œil et un esprit très ouvert. The Innkeeper, c'est un film de Ty West qui met en vedette Sarah Paxton, Pat Hidley et Kelly McGillis, que je ne connaissais pas ni d'Adam, ni d'Eve, ni l'un ni l'autre. Mais c'est quand même intéressant et le poster du film est génial. Donc, The Innkeepers. Le deuxième, en fait, qui vient pratiquement à égalité avec celui qui m'a peut-être le plus emballé à quelque part, c'est un film qui est un film, soit en passant, c'est les productions Dark Skies pour The Innkeepers, production de série B. Et le prochain aussi de Dark Skies, c'est Frankenstein's Army. Je sais pas si tu sais, mais présentement, depuis, je dirais, une bonne année et demie, un gros engouement pour les producteurs de cinéma, principalement ceux de série B, de revenir avec les classiques. Pas vraiment, non. De revenir avec, plutôt, historiquement parlant, ce que le Troisième Reich s'intéressait énormément à l'occulte. De être capable, Himmler, ça c'est historiquement vrai, Himmler avait été mandaté par le Führer pour développer une grosse équipe de recherche sur les phénomènes paranormaux et occultes pour être capable d'aller chercher, pourquoi on s'entend, c'est un peu flyé, là, mais aller chercher un pouvoir qui lui permettrait de gagner la guerre. Et ça c'est très vrai, historiquement parlant. Donc, dans ce film-là, Frankenstein's Army, puis ça, c'est vrai aussi, le Troisième Reich et les commandants directement du Reich trouvaient absolument ahurissant de voir à laquelle vitesse leurs soldats tombaient sur les champs de bataille. Et ils commençaient à manquer de certaines ressources, là, parce qu'on s'entend que l'Allemagne, c'est quand même pas gros comme la Russie, là, OK? Fait qu'ils commençaient à manquer un peu de mobilité. Et ils voulaient pouvoir reprendre ces soldats-là, les remettre à la vie et les rendre comme intuables. Ouais. C'est vrai ça aussi. Frankenstein's Army, ça traite de ça. Toi, est-ce que tu es un amateur des films d'horreur? Ça dépend quoi. Qu'est-ce que tu t'attends, toi, d'un film d'horreur pour qu'il te plaise? Ça tient en un mot. Il faut que l'histoire soit bonne. Va pas aussi loin que ça. Un film d'horreur, faut qu'il y ait de l'horreur. C'est sûr. C'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu depuis longtemps. OK. Honnêtement, c'est vraiment un film d'horreur. C'est horrifique. C'est vraiment un film d'horreur, tout à fait, avec une ambiance qui est assez, je dirais, glauque. Et c'est l'histoire du petit-fils de Victor Frankenstein. C'est romancé, là. Du petit-fils de Victor Frankenstein qui a été mandaté, c'est un Autrichien, mandaté par le Reich, par Himmler, pour reprendre les cadavres. Et puis ça s'arrête pas juste en bout de ligne aux cadavres des soldats nazis. De prendre des cadavres et quitte à en tuer s'il le faut pour les rendre invincibles, mais lui, il est complètement disjoncté, puis il en fait des espèces de mi-homme, mi-machine, avec, à l'époque, dans les années 40, avec ce qu'il pouvait avoir, il pouvait lui replanter un casque de scaphandrier sur la tête à la place de la tête. Écoute, c'est absolument des mutilations de cadavres, là, pour les rendre le mi-homme, mi-machine, là, mais c'est disjoncté, mon ami, là, comme ça se peut pas, là. Puis c'est fait dans une ambiance qui est très série B, mais de bon goût, à quelque part, avec une qualité de cinéma. J'ai donné un 8.5 sur 10. Frankenstein's Army, moi, j'ai passé vraiment du bon temps à écouter ce film-là, puis je vous le recommande pour les amateurs des films d'horreur. Le troisième film que j'ai vu, qui n'a aucun rapport avec les films d'horreur, mais qui m'a vraiment emballé, porte le titre de Insaisissable, ou si vous préférez le titre original, est Now You See Me, qui est un film de Louis Leterrier. Louis Leterrier, c'est pas un nouveau venu dans le cinéma, c'est un gars qui est très original dans ce qu'il fait. Hellboy. OK. Bon, entre autres. Ça met en vedette Morgan Freeman, Woody Harrelson et Jesse Eisenberg. Grosso modo, c'est l'histoire de quatre, entre guillemets, magiciens, hypnotiseurs, illusionnistes, qui sont de bas étage, de bas niveau, et qui reçoivent une forme de convocation pour faire partie d'un club select qui s'appelle The High, l'œil. Et de là, un magnat richissime qui a réussi en affaires, qui possède des compagnies d'assurance, ainsi de suite, décide, moi, je vais vous sponsoriser. Michael King qui le joue. Et il dit, bon, avec mes moyens, vous allez pouvoir monter des spectacles dignes de Las Vegas et en mettre plein la vue. Et c'est ce qu'ils font. Ils se réunissent les quatre, même si, à prime abord, certains d'entre eux se connaissent, mais ça n'apprécient pas vraiment. Ils se réunissent les quatre, ils font des spectacles qui sont absolument hallucinants. Le premier qu'on voit, qui est leur premier spectacle proprement dit dans une immense salle à Las Vegas, ils disent, la première fois que ça se fait, en tant que magie, tour de magie, et en tant que spectacle uniquement mondialement, ils disent, on va aller faire une banque. On va faire un break dans une banque. Et il y a tout un aspect mise en scène de téléportation, entre guillemets, parce que c'est faux, là, c'est truqué, là. Mais c'est tellement bien fait que la police et l'FBI commencent à courir après eux autres. Et c'est tout ce qu'ils ont à faire pour arriver à un dernier, ultime spectacle qui va faire comprendre aux gens pourquoi ils ont fait ça. C'est intelligent. C'est bien fait, c'est grandiose, c'est spectaculaire. Et en plus de ça, j'aime beaucoup le type de film, moi, qui t'amène des éléments au fur et à mesure que la production avance, puis que t'es pas trop sûr, mais qu'à la fin, ça prend tout son sens. C'est vraiment ce type de film-là. Donc, Insaisissable, Now You See Me. J'ai mis un 8.5 sur 10. J'aurais pu mettre 9 facilement, mais il y a une petite aspect, à un moment donné, qui était un petit peu têteux, là. C'est pas trop pire, là, mais tu sais, écoute, un 8.5 sur 10, ça, c'est une excellente production, insaisissable. Je vous le recommande. Ceci étant dit, les 20h23, on va poursuivre musicalement cette fois-ci avec mon deuxième bloc musical. Ah, quelle horreur! C'est du Black Symphonique. Ah, oh, non, pas de ça! Ben oui, je sais pas ce qui m'a passé par la tête. Bon, en fait, je dirais, pour les trois premières pièce, pour le moins la dernière, ça l'est un peu moins symphonique. On va y aller. On va pas le dernier. Non, je sais que t'aimes bien ça, toi. On va y aller tout de suite avec une formation qui a déjà un certain nombre de temps que j'avais mis de côté, puis que là, ben, ça me fait plaisir de avoir sorti de la poussière. C'est Demo Borgir, la pièce Spellbound by the Devil. Go! Oh! C'est fou? Tu lis le Zone Campus? Tu désires t'impliquer dans ta communauté? Le GME est à la recherche d'un administrateur non étudiant pour siéger sur son conseil d'administration. Envoyez votre CV à ca@gmeuqtr.ca. Date limite, 11 octobre. Jusqu'au 29 septembre, venez vivre l'expérience Ozias-le-Duc à l'église Notre-Dame-de-la-Présentation de Shawinigan. Ce lieu historique national du Canada renferme en ses murs le dernier chef-d'œuvre de ce grand peintre québécois. À seulement 2 minutes de la Cité de l'énergie, Ozias-le-Duc en Mauricie vous propose une foule d'activités. Profitez-en pour contempler l'exposition temporaire d'estampes « Le temps se contente d'user » de l'artiste Karine Beaulieu. Surveillez la page Facebook d'Ozias-le-Duc en Mauricie ou visitez notre site Internet à églisendp.qc.ca. Ozias-le-Duc en Mauricie, une découverte qui vaut le détour, selon le guide Michelin. Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bières situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasserie québécoise, des bières importées de différents brasseurs et brasseries du monde entier, un choix de cidre de pomme, de panier cadeau, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. C'est fou. 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de l'animation des Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFO 89 FM, votre radio campus de Trois-Rivières. Et à l'instant, on vient d'entendre l'album préféré de Sinistros pour 2012, Marduk, et l'album Serpent Sermon. Ah oui, c'est tellement... La pièce Une Two Second Death que moi je trouve absolument délectable. Et j'aime bien l'album généralement parlant. C'est paru, comme je l'ai dit, en 2012 sur Century Media. Juste auparavant, nous avions Cradle Filth et la pièce Guild Count que l'on retrouve sur un album de 2004, Nymphetamine, paru sur Roadrunner. Old Man's Child et la pièce Saviors of Doom, tirée sur encore la dernière parution de ce projet-là de Galder. Qui date déjà de 2009. 2009, effectivement, l'album étant Slaves of the World. Sur l'étiquette Century Media, et nous avons ouvert avec, encore Galder, et Demo Borgir et la pièce Spellbound by the Devil, qu'on retrouve sur Enthroned Darkness Triumphant, paru en 2010 sur Nuclear Blast. Les spectacles à venir, présentation de BCI, lundi le 16 septembre prochain à 20h au Fofones Électriques, c'est Anathema en compagnie de Alcest et Mammifer. Je trouve ça bien drôle. Là. Mammifer, ouais. Ouais. C'est à 20h, comme je le disais, au coût de 20$, 25$, taxes incluses. Réseau GTN. Le lundi 7 octobre prochain, au Club Soda, en vente bientôt les billets pour Dayside, Broken Hope, Disgorge et Necronomicon. C'est à 19h, ce sera pour tous, au coût de 25 et 22 et 30 et 43 plus taxes. Et le samedi 30 novembre, au Club Soda, Hailstorm, Trollfest et Gypsy Hawk. À 20h, au coût de 23$ et 29$ taxes incluses, c'est disponible à la billetterie du Club Soda. Et c'est pour tous également. Donc, c'est peut-être des soirées, des matinées samedi pour enfants, ça? Oui. Oui, pour tous, c'est ça, hein? C'est folk et déjeuner. Folk et banana split. Oui, c'est ça. Bon, ceci étant dit, là, tu nous as préparé un petit spécial avec un band super poche, hein? Ben oui, ça va être un spécial qui va se jouer en deux parties, puisque cette formation en a long à dire sur sa carrière, parce que la formation a eu deux noms, mm-hmm. puis qui ont sorti quasiment autant d'albums sous les deux noms. Legion of the Damned, qui nous prépare un nouvel album qui devrait sortir incessamment. We hope so. A aussi œuvré sous le nom de Occult. Alors, Occult, ça sera la semaine prochaine. Cette semaine, c'est Legion of the Damned. On va commencer avec une pièce qui est tirée de Feel the Blade. Mais Feel the Blade de Legion of the Damned, c'est la réédition de Elegy of the Week de Occult, qui était le dernier album de Occult. Mm-hmm. Donc, on va commencer le spécial Legion of the Damned avec Slaughtering the Pigs. OK. Fait que c'est ça. Ben, il faut que ça parte là, là. C'est-tu le signal, ça? Ben, c'est peut-être un signal, mais... Je l'ai pas compris. C'est un petit mieux que j'extrapole. C'est ça, Legend of the Dam, finalement, et qui s'appelle Legend of the Dam. Il s'appelle-tu Legend of the Dam? T'es-tu sûr de ça? Ben, je pense que oui. Okay. Il y a même une pièce qui s'appelle Legend of the Dam. Ah, ben, regardons ça. Imagine-toi donc. Mais il s'appelait Occulte avant, je l'avais dit. Ah, là, je suis tout mélangé. Mais Occulte, on va le mettre la semaine prochaine. Qui ça? Qui ça? qui va faire quoi la semaine prochaine? Legend of the Occulte, la semaine prochaine. OK, passé par the Dam. Oui, c'est ça. OK, allez. Alors, voici Slaughtering the Pigs. Go. Avis de recherche. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Toi. Oui, toi, t'as bien compris. Rejoins l'équipe de C'est Fou pour partager tes passions à la population de la grande région Trois-Rivières. Pour information, c'estfou.ca. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classique. Rock Classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Sinistros, sais-tu lire l'heure? Non. C'est une chose que j'ai jamais appris. Ben, je peux te dire qu'il est n'importe quelle heure. Oui. Les dates, tu les connais? Non. Les jours de la semaine? C'est quoi ça? Parfait. La prochaine émission va se produire mercredi prochain. Ben, chouette, là. Hey, on vient d'entendre un super spécial. Eh oui. C'est tout. OK, c'est ça, faut que je le dise. Ouais, faut peut-être t'en parler un petit peu minimalement. Là. Bon, spécial Legend of the Damned. OK, c'est assez, on sait c'est quoi maintenant. C'est pas possible. Tiré de bon, toutes okay, les... OK, merci. De tous les albums de Legend of the Damned, finalement. The End of Darkness, tiré de Descend into Chaos, qui est paru en 2011. C'est tout sur Massacre Records, fait que je vais m'éviter de la salive, OK? D'accord. Black Templar, qui est sorti sur Cult of the Dead en 2008. Undead Stillborn, Sons of the Jackal de 2007, Legion of the Damned, Malevolent, Rapture de 2006 et Slaughtering the Pigs qui est sorti en 2008 sur Field of Blade sous le nom Legion of the Damned, mais originalement sur Elegy of the Week en 1999. Non, excusez, c'est pas 99, celui-là c'est 2004 si je me trompe pas. Occult. Mettons. OK. C'est ça, 2004? Sais-tu, moi, je suis sur Occult présentement. Là. Ben oui, c'est ça. 2003. Et 2003, bon, c'est ça. Moi, alors, là, tu vois, là. Oui, vas-y. La semaine prochaine, on va y aller avec les albums de Occult. Ouais, ça, moi, je les connais moins. Ben, mais tu vois, Legend of the Damned, moi, je suis un petit peu tanné du thrash metal en général, mais ça, je trouve ça vraiment bon. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a un côté... Death Groove, là. Ouais. C'est fait en toute simplicité, ouais, sans tuloflure, ça me plaît bien. Je trouve pas que c'est si trash que ça. Il y a un côté plus death. Ben, ouais, effectivement. C'est un death trash, ouais. Là, mais tu sais, c'est bien sali, convenablement, puis le vocal a quelque chose qui me rappelle, je suis pas certain quoi encore tout le temps, mais ça me plaît. Ben, c'est parce que c'est fait simple. Ouais. C'est dans ta face. Pas de flofla, pas de fioriture inutile, c'est bing de même. C'est pas parfait. Eh oui. Je vous rappelle que le 3e Metal Fest se commettra pour une 13e année les vendredis, samedi 11 et 12 octobre prochain à la bâtisse industrielle située au 1760 avenue Gilles Villeneuve, ici à Trois-Rivières. Et vous pourrez voir les formations suivantes, soit le vendredi 11 octobre, en ouverture de festival. Eh bien, ce sera la formation qui aura remporté le le concours de Metal Academy, donc on n'a pas encore le nom, ça devrait sortir incessamment. Il y aura Hon Human, Hollow, Beyond Creation, Blackguard, Jungle Rot, Vivar et Suffocation. Et tant qu'au samedi 12 octobre, Hear My Words, Insurrection, Battlecross, The Acacia Strain, Shadows Falls, Obituary et Hatebreed. Les portes ouvriront à 17h et les débuts du spectacle seront à 18h et c'est pour tous. Les billets sont disponibles au coût de 35$ par soir ou 60$ pour le forfait deux soirs, tout compris. Ça veut dire les 14 bandes, hein, finalement? D'habitude, oui. Vous pouvez vous procurer les billets en ligne sur le site de trois-rivières-metal.com ou encore, je vais essayer de relire ce que je disais tout à l'heure, c'est chez le magasin de musique Long and McQuaid, ici à Trois-Rivières, La Puce Rock à Trois-Rivières, Amnesia à Trois-Rivières, Metal Punk à Trois-Rivières, Profusion à Montréal, Vision Rock à Québec, Disque et Ruban, Drummondville, et évidemment sur le site de Trois-Rivières-Metal. Ceci étant dit, maintenant, nous allons écouter quelque chose que je sais savoir et que je suis convaincu depuis bien longtemps que et Sinistros et moi aimons énormément. Et je vous laisse en mise. Thank you. jusqu'au 29 septembre, venez vivre l'expérience Ozias le Duc à l'église Notre-Dame de la Présentation de Shawinigan. Ce lieu historique national du Canada renferme en ses murs le dernier chef-d'œuvre de ce grand peintre québécois. À seulement 2 minutes de la Cité de l'énergie, Ozias le Duc en Mauricie vous propose une foule d'activités. Profitez-en pour contempler l'exposition temporaire d'estampes « Le temps se contente d'user » de l'artiste Karine Beaulieu. Surveillez la page Facebook d'Ozias le Duc en Mauricie ou visitez notre site internet à églisendp.qc.ca. Ozias le Duc en Mauricie, une découverte qui vaut le détour, selon le guide Michelin. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Avis de recherche. Toi. Rejoins l'équipe de C'est fou pour partager tes passions à la population de la grande région Trois-Rivières. Pour information, c'estfou.ca. C'est horrible. Mais j'ai comme l'impression, comme mon ami, que quelqu'un s'est fait asperger... Par une moufette. Assez goulûment. Oui, effectivement. On vient d'entendre, avant cette pause publicitaire, la formation Meshuggah et le EP Pitch Black et la pièce titre Pitch Black, qui est parue en 2013 sur Sion Audio Visual. Juste auparavant, nous avions Soulfly et la pièce Rise of the Fallen, tirée de l'album Homan. Paru en 2010 sur Roadrunner, un des bons albums, je dirais, de Soulfly. Samael, la pièce Supra Karma, que l'on retrouve sur Eternal, qui paru en 99 sur l'étiquette Century Media. Nous avons ouvert avec la longue pièce de Ministry, soit Scarecrow, qui apparaît sur Psalm 69, The Way to Succeed, The Way to Suck Eggs, qui paru en 92 sur Sire. Ceci étant dit, c'est à toi, une fois de plus, à qui il incombe de terminer cette édition de réanimation. Eh bien! Pour vous donner un avant-goût du Trois-Rivières Metal Fest 2013, j'ai pris sur moi la liberté de vous présenter 4 pièces de 4 groupes qui seront présents lors de cette édition. Mm-hmm. Dont 3 groupes du vendredi soir qu'on va avoir droit à back-à-back, ça va être extrême. Puis un groupe bien de chez nous qui va faire le samedi. Alors, sans plus tarder, Suffocation, Voivod, Jungle Rot, Insurrection. Alors, tout de suite, Suffocation, Sullen Days. Go! 21h51, bientôt 52, et l'émission tire vraiment à sa fin. Qu'avons-nous entendu jusqu'à présent? Scorn de Jungle Rot, qui est paru sur Terror Regime cette année sur Victory Records. De Jungle Rot, nous verrons, de toute façon, ce bloc-là, on les verra tous au 3e Metal Fest. Voivod, Close Capocom, tiré de l'excellent Target Earth, toute dernière parution de Voivod, paru en ce début d'année 2013 sur Century Media. Et Suffocation avec Solemn Days de l'album Pinnacle of Bedlam, également de 2013 sur Nuclear Blast. Et rappelons qu'Insurrection est à la veille de sortir son nouvel album intitulé Prototype, album que j'ai eu l'occasion d'entendre, qui apporte quelques petits changements dans la sonorité d'Insurrection, d'accord, mais qui reste toujours aussi frappante et efficace. On va se sur une pièce tirée de l'album Fracture, paru en 2010, qui s'intitule Dérangé. Insurrection, est-ce que tu le présentes bientôt? Là, je vais attendre que tout soit officiel, parce que je ne sais pas encore s'il est sorti pour tout le grand public. Okay. Je sais que ceux qui avaient payé comme d'avance pour les aider avec le Indie Merch, ouais, l'enregistrement, ils ont eu l'album avant. Moi, j'ai pas reçu ma copie physique encore. J'ai eu juste le droit à une version download. Okay. Fait que je vais attendre que la copie physique arrive. Puis aussitôt que c'est arrivé, je vais vous présenter ça. D'accord. La semaine prochaine, Sinistros, tu vas nous faire ta deuxième partie de spéciale, cette fois-ci, qui est en fait les précurseurs de Legion of the Damned. Oui. Occult. Okay. Tant qu'à moi, j'aurai un spécial, rien du tout. Bon, ben, c'est correct. Non, je crois que j'aurai un spécial. J'avais dit la semaine dernière, mais finalement, je pense que je vais le faire. J'ai changé d'idée, donc je vais probablement le faire la semaine prochaine, un spécial Fear Factory. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous procurer vos billets pour le 3e Metal Fest, parce que l'édition 2013, 13e édition, aura lieu les 11 et 12 octobre prochains à la bâtisse industrielle ici à Trois-Rivières, au 1760 avenue Gilles Villeneuve. C'est un spectacle pour tous sur deux soirs, dans lesquels vous pourrez voir les formations suivantes, soit le gagnant de Metal Academy, en ouverture de festival, formation Honeyman, Hollow, Beyond Creation, Blackguard, Jungle Rock qu'on vient d'entendre, Voivod qu'on vient d'entendre, Suffocation qu'on vient d'entendre, et tant qu'au samedi, Hear My Words, Insurrection, qu'on va entendre à l'instant, Battlecross, de Akisha Strain, Shadows Falls, Obituary et Hatebreed. Et c'est un spectacle, c'est un festival qui est pour tous. Vous pouvez vous procurer les billets au prix de 35$ soir unique ou 60$ pour le forfait deux soirs inclusivement. Et vous pouvez acheter vos billets directement en ligne sur le site de Trois-Rivières Metal ou aux endroits suivants, qui sont Long and McQuaid à Trois-Rivières, La Puce Rock à Trois-Rivières, Amnesia à Trois-Rivières, Metal Punk à Trois-Rivières, Profusion à Montréal, Vision Rock à Québec, Disque et Ruban à Drummondville. Et je vous rappelle que si vous voulez aller voir une bonne formation qui donne dans un métal à tendance planante progressive par moment et des fois un petit peu plus rough, Anathema et la formation LCS et Mammifer seront le 16 septembre prochain au Fofounes Électriques, Deicide, Broken Hope, Disgorge et Necronomicon le lundi 7 octobre au Club Soda, et Hellstorm, Trollfest et Gypsy Hawk au Club Soda le samedi 30 novembre prochain à 20h. Donc, on se laisse sur une dernière pièce de Insurrection. Dérangé. Alors, sur ce, allez tous vous faire foutre. Go.